Yuma, chapitre 2. Il y a une longue chevauchée pour aller à travers la montagne de la ville de Saint-Pierre à la plantation d'anses marines que les des rivières possédaient autrefois. Pourtant, la fatigue de 6 heures de sel sous le soleil des tropiques n'est rien pour quiconque n'est pas insensible à la merveilleuse beauté du paysage. Parfois la route s'élève presque jusqu'à ces nuages blancs qui souvent voilent les cimes des grands pics. Parfois elle s'enfonce en pente douce dans le crépuscule vert des forêts vierges. Parfois elle domine les vastes profondeurs de vallées murées de montagnes aux formes et aux couleurs étranges. Parfois encore, elle serpente au-dessus des champs de canne à sucre, dont l'étendue jaune s'interrompt au loin à la courbe vaporeuse d'une mer presque pourpre. Et, pendant des heures entières, vous n'observerez probablement aucun autre mouvement que ceux des feuilles et de leurs ombres. Vous n'entendrez pas d'autre bruit que la sonorité des sabots de votre cheval, ou le bruissement des cannes à sucre balancées par le vent, ou encore, à la lisière de quelque abîme de verdure, voilé de fougères arborescentes, le long appel flûté d'un oiseau inconnu. Mais, tôt ou tard, à un détour du chemin, il surviendra un incident plus humain, plus vivant et d'un charme exotique. Par exemple, une caravane de jeunes dégresses, nu-pieds et nu-bras, portant sur leur tête le produit d'un cacaoyère qu'elles vont vendre au marché, ou bien un nègre qui passe courant malgré sa charge formidable de fruits à pain ou de régime banane. Vous rencontrerez peut-être une troupe de noirs traînant à la côte un gommier déjà vidé et taillé en forme de canot, posé sur un diable, véhicule solide et bas aux essieux grinçants. Les nègres placés à l'arrière du diable le poussent, ceux qui se trouvent à l'avant le tirent, et un tambour frappe de son cas le fond du bateau inachevé, pour rythmer l'effort de tous. Et le chant que voici, « Bom li cano, allez tchatché, mene vini, bom li cano !» Ou bien vous apercevrez une bande de bûcherons qui, sur le bord de la route, si, pour en faire des planches, le cœur jaune safran ou rouge vermillon d'un arbre à peine abattu et dont vous ignorez le nom. Le tronc encore vivant est hissé sur un robuste cadre de bois, et 3 hommes activent la lourde scie, 1 dessus et 2 dessous. Tous 3 ont le torse nu, et l'un est jaune-orange, l'autre couleur cannelle, le 3e est d'un noir brillant comme la laque. Tous sont musclés en statue, et, tout en travaillant, ils chantent « Aïe d'oscale, aïe, aïe d'ocale, aïe si et bois, aïe pour nous aller !» Cependant, les incidents de route se font plus rares quand commence la longue descente à travers les champs de canne et les cacaoyères qui part des cimes boisées et va jusqu'à la mer lointaine. Là, plus d'ombre ni de fraîcheur. Vous chevauchez par des terres nues, offertes au soleil. Mais l'immense paix charme comme une caresse, et la magnifique étendue ouverte au regard console de l'apparente absence de toute vie humaine. Derrière vous, et aussi au nord et au sud, les mornes élèvent leur demi-cercle au-dessus des lieues ondulantes de canne à sucre. Plus loin surgissent des sommets aigus, tout violets. Au-dessus de ces pointes violettes se superposent des pics, des cornes et des pitons, fantômes bleus et nacrés. Devant vous, au-delà des plaines jaunes, le croissant lointain de la mer rougit à la courbe de l'horizon, bande de lumière opaline qui pâlit près du ciel. Un vent fort et chaud vous souffle au visage. Vous continuez votre chemin, parfois au-dessus d'un plateau, plus souvent le long d'une pente douce. La mer, tour à tour, apparaît et disparaît, et vous quittez enfin la route principale pour suivre un sentier jusque-là caché derrière les ondulations du sol, un sentier de plantations bordé de cacaotiers. Il vous amène par de longs détours à travers les hautes cannes à sucre qui vous ferment la vue des deux côtés dans une des plus jolies vallées du monde. Du moins, c'est ainsi qu'elle vous apparaîtra lorsque vous ferez halte au flanc du morne pour admirer le demi-cercle presque parfait des collines doucement ridées qui s'ouvrent sur la mer, dont la ligne d'écume s'étend comme un fil neigeux et frémissant entre deux pics verts au-delà d'une bande de plages sombres. Plus près de vous, les champs dorés des cannes à sucre que la rivière divise et que marquent des franges de bambou s'élargissent pour atteindre les brisants. Et sur tout cela plane la tendresse d'ombre bleuie par des buées, le scintillement du soleil dans l'argent des cascades, et enfin l'union bleue du ciel et de la mer. Vous remarquerez ensuite sur une petite colline, au-dessous de vous, les bâtiments de la plantation, dans un bosquet de cacaotiers. Le long moulin, peint en jaune, avec sa roue grondante et sa haute cheminée, la sucrerie, la romerie, le village de cases à toit de chaume où des feuilles de bananiers tremblent dans de tout petits jardins. La maison à un étage du planteur, toute basse pour résister aux vents et aux tremblements de terre. Le cottage de l'intendant, la maison à ouragan ou case à vent, et la silhouette blanche de la haute croix de bois plantée à l'autre extrémité de la petite colonie. Tout cela appartenait jadis aux des rivières, comme la vallée entière, depuis la plage jusqu'au sommet de la colline. L'atelier comprenait à peu près 150 mains. Depuis lors, la plantation a été vendue et revendue plusieurs fois. Elle a été exploitée avec plus ou moins de succès par des étrangers et par des créoles. Pourtant, si peu de changements semblent s'être produits que le village est sans doute resté tel qu'il était il y a 50 ou même 100 ans. Mais à l'époque où les Desrivières possédaient Anse Marine, la vie des plantations offrait un aspect bien différent de ce qu'elle est aujourd'hui. Sur cette propriété en particulier, elle était patriarcale et pittoresque au point que cela est inconcevable pour ceux qui n'ont connu la colonie qu'après l'affranchissement. Les esclaves étaient traités presque comme des enfants. C'était une politique traditionnelle de la famille de vendre seulement ceux qui ne se laissaient diriger qu'à l'aide de châtiments corporels. On donnait à chacun des adultes un petit jardin qu'il pouvait cultiver à sa guise. Deux demi-journées par semaine lui étaient réservées pour cela. L'esclave avait le droit de garder la plus grande partie de l'argent gagné par la vente des produits de son jardinet. Légalement, un esclave ne pouvait rien posséder. Pourtant, plusieurs serviteurs des Desrivières, encouragés d'ailleurs par leur maître, avaient économisé des sommes considérables. Tous travaillaient avec accompagnement de chants et au rythme d'un tambour. Il y avait des jours de vacances et des soirées où il était permis de danser. Le grand jour de l'année était la fête de Madame des Rivières, la mère du jeune planteur, la vieille maîtresse, Tétesse. Ce jour-là, il y avait des bamboulas et des caléindas. La maîtresse recevait tous ses esclaves sous la véranda. Ils venaient tous lui baiser la main et chacun y trouvait une pièce d'argent. Pour un étranger, et surtout pour un Européen, c'était une vraie joie que le spectacle des incidents ordinaires de cette vie coloniale rustique, si pleine de bizarreries exotiques et d'inconscientes poésies. La routine de chaque jour commençait par une scène fort amusante. L'inspection matinale des pieds des enfants. Ceux-ci, jusqu'à l'âge de 9 ou 10 ans, n'avaient guère d'autres occupations que jouer et manger. Ils étaient confiés à l'infirmière, Tanga, une vieille africaine. Celle-ci, aidée de ses filles, préparait leur simple nourriture et les surveillait pendant que leurs mères étaient au champ. Dès le lever du soleil, Tanga, accompagnée du surveillant, assemblait tous les enfants et les faisait asseoir en rang sur les longs bancs de bois disposés sous les tentes de l'infirmerie. Puis, au commandement de « Levez pieds hautes !» ils levaient tous ensemble leurs petits pieds et l'inspection commençait. Si l'œil exercé de Tanga découvrait la petite enflure ronde qui trahit la présence d'une chique, l'enfant était envoyé à l'infirmerie pour y être soigné immédiatement. Et le surveillant notait le nom de la mère afin de la gronder, car elle était tenue pour responsable de la chique qu'elle avait laissée subsister une nuit entière dans le pied de son enfant. Mais pendant ces inspections, on se chatouillait, on riait et on criait si fort qu'il fallait toujours que Tanga effrayât plusieurs fois les enfants de ses gronderies et de ses menaces avant d'arriver au bout de son examen. Une autre scène matinale intéressante était le départ d'une caravane chantante de femmes et de jeunes filles. Elles portaient au marché, dans des paniers posés sur leur tête, les différents produits de la plantation. Du cacao, du café, du cassis et des fruits, des noix de coco, des mangues, des oranges, des bananes, des corossoles et des pommes cannelle. Puis un joyeux événement se produisait presque chaque semaine. C'était la sortie du gommier, immense canot de près de 60 pieds de long, taillé dans un seul arbre gigantesque. Ce canot n'avait pas de gouvernail, mais une proue à chaque extrémité, de façon à pouvoir naviguer aussi facilement dans les deux directions. Il contenait des bancs pour une douzaine de rameurs, et au milieu un siège plus élevé pour le joueur de tambour. Le gommier avait 2 commandeurs, un à chaque proue. Il pouvait porter une douzaine de barils de rhum, et 6 ou 7 tonneaux de sucre. On s'en servait surtout pour transporter ces produits aux petits navires venus de Saint-Pierre, qui n'osaient pas s'aventurer trop près des brisants dangereux. Le gommier ne pouvait prendre la mer que s'il était lancé, à l'aide d'un cadre incliné construit exprès, dans une eau profonde, au creux d'une haute falaise. Lorsque la cargaison était arrimée à bord et que les rameurs étaient à leur poste, le tambour donnait le signal. On enlevait les cales, on lâchait les cordes et la longue embarcation filait dans la mer. Toutes ces rames frappant l'eau en même temps, au rythme du tam-tam ou du tambour belay. Tous les dimanches, dans l'après-midi, le père Kerambrin arrivait à cheval du prochain village, pour apprendre le catéchisme au négrillon. Il tenait en général la petite classe dans la sucrerie. Les larges portes à l'avant et à l'arrière du bâtiment s'ouvraient toutes grandes à la brise de la mer et le soleil projetait sur le sol l'ombre des cimes de palmiers. Le vieux prêtre savait enseigner les tout-petits dans leur propre langue. Il répétait inlassablement chaque question et chaque réponse du catéchisme créole jusqu'à ce que les enfants les sussent par cœur et fussent capables de les chanter comme un refrain. « Comment ou qu'a crié fi bon Dieu ?» demandait le père. « Comment appelez-vous le fils du bon Dieu ?» Alors toutes les voix enfantines, répétant la question et la réponse, flûtaient en unisson. « Comment ou qu'a crié fi bon Dieu ? Nous qu'a crié li Jésus-Christ ?» Et ça y fait pour nous autres, fi bon Dieu? Li payer pour nous, pas aller dans l'enfer. Li baille tout le sang li pour ça. Il a payé pour que nous n'allions pas en enfer. Il a donné tout son sang pour ça. Et qui l'est prié qui plie meilleur Adam, tout est prié nous qu'a fait? Et quelle est la meilleure prière parmi toutes les prières que nous récitons? C'est notre paix. Passez Jésus-Christ, montrez-nous-li. Tous les enfants chantaient ensemble. C'est le Pater Noster, parce que c'est Jésus-Christ qui nous l'a enseigné. Et à la fin de la tâche quotidienne, lorsque retentissait pour la dernière fois la coquille de Lambi, afin de rappeler tout le monde des champs et du moulin, on assistait au spectacle patriarcal de la prière du soir, selon la vieille coutume coloniale. Le maître et son surveillant, debout près de la croix érigée à l'entrée du petit village de la plantation, attendaient que tous les esclaves fussent réunis. Les hommes apportaient chacun le paquet réglementaire de foin pour les animaux, ils le posaient à terre devant eux, puis ils enlevaient leurs chapeaux. Alors, tous, hommes et femmes, s'agenouillaient et répétaient ensemble le « Je vous salue Marie », le Pater et le Credo, tandis que les étoiles frémissantes apparaissaient et que le jaune flamboiement du soleil s'éteignait derrière les cimes. Souvent, par les nuits claires et chaudes, les esclaves s'assemblaient après le repas du soir pour écouter les histoires contées par les libres de savane, vieux et vieilles esclaves exempts de travail. Et c'était de curieuses histoires. Elles formaient la meilleure partie de la littérature traditionnelle d'une race à qui la lecture était interdite. Dans ce temps-là, cette littérature orale enchantait les grands comme les petits. Elle plaisait aux béquets comme aux nègres. Elle exerçait même une influence très visible sur le caractère colonial. Toute Da était une conteuse d'histoire. Ses récits développaient d'abord l'imagination du petit blanc confié à ses soins, en l'africanisant tellement que l'éducation européenne ne devait plus effacer cette empreinte, et en créant chez lui un double et curieux amour du comique et du merveilleux. On ne se lassait pas d'entendre répéter ces histoires, car elles étaient dites avec un art impossible à décrire. Les refrains ou les chansons dont elles s'entrecoupaient étaient composés de mots africains et plus souvent de rimes dépourvues de sens, imitant les chants des bamboulas et les improvisations des kalindas. Elles avaient un charme étrange que les grands musiciens eux-mêmes étaient bien forcés de reconnaître. Et de plus, il y a dans les contes créoles une couleur locale surprenante, qu'ils soient d'invention purement africaine ou qu'ils aient été simplement adaptés du folklore du vieux monde. Il y a dans ces contes un je ne sais quoi de l'âme de la vie et de la pensée coloniale qui ne peut passer dans aucune traduction. Leur scène se déroule parmi les bois et les collines des Antilles, ou parfois dans le quartier le plus bizarre d'un vieux port colonial. Le cottage européen des histoires populaires devient la case ou la joupa des tropiques, aux murs de bambou et aux toits de feuilles de canne séchées. Les belles du bois dormant sont toujours surprises dans les forêts primitives par un nègre marron ou un chasseur chou. Les cendrillons et les princesses apparaissent comme de belles jeunes métisses portant des costumes qu'on ne voit jamais dans les livres d'images. Les fées des légendes du vieux monde y sont remplacées par la Vierge Marie et le Bondier. Les barbes bleues et les géants se transforment en quimboiseurs et en diables. Les démons eux-mêmes, sauf quand ils bâillent pour montrer le feu brûlant dans leur gorge, ressemblent trop aux travailleurs demi-nus, vêtus de pantalons de canevas, de mouchoués fautins et d'autres pièces de costumes nègres pour qu'on ne puisse les reconnaître. Il faut les examiner de très près pour déterminer chez eux les signes diaboliques, les cheveux rouges, les yeux cramoisis et les racines des cornes. Dans l'ombre de l'énorme chapeau, dit « chapeau nourriture de mule » ou « chapeau bacoué ». Et puis le Bondier y figure comme le meilleur et le plus doux des vieux béquets, des vieux blancs. C'est un affable planteur grisonnant dont la demeure est située dans les nuages au-dessus de la montagne pelée. On voit parfois ses moutons et ses choux caraïbes dans le ciel. Et celui qui rompt les enchantements, c'est le prêtre de la paroisse, Missier l'abbé, qui sauve les jolies filles peu sages en leur passant son étole autour du cou. Ce fut à Anse-Marine que Yuma apprit la plupart des histoires qu'elle raconta ensuite à Mayotte, dès que la petite fille fut assez grande pour les aimer. Depuis un siècle, la vie s'écoulait ainsi, sans beaucoup varier, dans la vallée de la plantation. Sans doute il y eut bien quelques ombres et quelques douleurs qui ne s'exprimèrent jamais. Il y eut sans doute aussi certains événements qui ne furent notés dans les vers d'aucune chanterelle. Il y eut des journées sans chansons et sans rires, où les chants étaient silencieux. Mais toujours, le soleil des tropiques l'inonda de couleurs éblouissantes. Les grandes lunes la baignèrent de lumière rose. Et toujours, toujours, de l'immensité pourpre de la mer, un souffle puissant y soufflait, chaud et pur, le souffle des vents appelés invariables, les vents alizés.